Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a visité la fabrique de seringues de Taedonggan avec Seo Hong-chan et Cho Yong-won. Il a dit que les cadres et autres personnels de l'usine ont manifesté pleinement dans le passé l'esprit révolutionnaire de la confiance en soi pour accomplir sans faute tous les ans les tâches de production de l'usine et démontrer sans réserve les avantages de notre régime sanitaire socialiste le meilleur qui soit avant de complimenter vivement leurs mérites. Le maréchal Kim Jong-un a fait le tour de la salle d'éducation aux faits révolutionnaires et de la salle d'historique. Voyant attentivement des précieuses données historiques, il s'est souvenu en profondeur des exploits de direction inoubliables du général Kim Jong-il, emprunt dans la fabrique de seringues de Taedonggan. Il a dit « La fabrique de seringues de Taedonggan est surgie à l'époque de la dure marche et de la marche forcée, lorsque tout le pays était obligé de serrer la ceinture par suite des scélérates menées d'isolement et de suppression des ennemis et des calamités naturelles désastreuses, sur l'initiative directe et sous la direction dynamique du général qui n'épargnait rien s'il s'agit du compte de nos militaires et civils. Il semble résonner à mes oreilles la voix douce du général qui était très joyeux d'avoir exaucé son nouveau vœu pour le bien-être du peuple en voyant la production des seringues et goutte à goutte de meilleure qualité lors de sa visite à la fabrique nouvellement construite par les efforts dévoués des militaires de l'armée populaire en décembre 2000. La fabrique de seringues de Taedonggan raconte le sublime amour du général pour le peuple. Donc, les cadres et autres personnels de l'usine doivent faire honneur à jamais par de grands succès de production aux exploits immortels du général qui a fait tout son possible toute sa vie pour nos militaires et civils. Le maréchal Kim Jong-un a fait le tour de divers endroits, notamment la salle de commande générale, la salle d'éjection et l'atelier d'assemblage, pour s'informer en détail de l'état de production et de la qualité des produits, avant de présenter des tâches de l'usine. Et de continuer. La mission de la fabrique de seringues de Taedonggan est très importante. L'usine doit normaliser la production à un haut niveau et aussi assurer parfaitement la qualité de produits et s'efforcer mieux de diversifier les seringues. Pour augmenter systématiquement la quantité de production de seringues et fabriquer à son gré les seringues et les aiguilles d'ingestion de différentes dimensions, il faut conformer l'usine à l'époque de l'économie du savoir. Moderniser la fabrique au niveau de l'exemplaire et du standard des fabriques des appareils médicaux de notre pays, voilà l'intention du parti. Il faut donc établir un meilleur système de production intégrale pour l'informatisation et la scientifisation de la gestion et parvenir au niveau suprême, à la chaîne, à l'automation, à la robotisation et à l'aseptisation de tous les processus de production, depuis l'alimentation des matières premières jusqu'à l'emballage des produits, de sorte que l'usine se transforme en fabrique de seringues d'ordre mondial. Il faut adhérer parfaitement à la priorité de l'esprit de se renforcer soi-même et à la nationalisation dans la modernisation de cette fabrique aussi. Les cadres et autres personnels de l'usine sont invités à partager la compétence et la créativité avec les scientifiques et les techniciens du secteur intéressé pour mettre sur pied de modernes procédés techniques par nos propres forces et techniques. Le niveau du service médical dépend considérablement de la fourniture des appareils médicaux, moyen important de la prévention thérapeutique. Le parti prendra des mesures nécessaires à fabriquer beaucoup plus de seringues et goutte à goutte de meilleure qualité, de façon à en approvisionner suffisamment nos militaires et civils. De gros efforts seront concentrés toujours à consolider les assises matérielles et techniques de la santé publique tchétchène, surtout la construction d'un plus grand nombre de modernes fabriques des appareils médicaux reposant sur des réalisations scientifiques et techniques de pointe pour que notre peuple jouisse pleinement des bienfaits du régime sanitaire socialiste. Le maréchal Kim Jong-un s'est montré convaincu que les cadres et autres personnels de la fabrique de seringues de Taedonggan rempliront leurs responsabilités et devoirs au niveau de l'intention du parti pour faire un grand apport à démontrer au maximum la supériorité et la puissance du régime sanitaire socialiste.